La révolution interne n'est pas qu'offensive. Elle remet aussi la cause en question. Yeah. L'esprit éteint va sous l'ortie, prend de la place. Et quand nos pensées touchent ses épines, celles-ci agissent sans aucune classe. Le côté sombre de nos âmes s'allie au jugement. Premier que le regard invoque aussi injustement. C'est dans ces moments de tristesse et de colère que se déclenche le mauvais de l'homme qui va au-delà de ce que le cœur tolère. C'est parce qu'on a peur du conflit qu'on le cherche, des fois on le trouve sans que celui-ci nous tende aucune perche. Le village prend pour la totalité de la ville. La généralité est un corps qui n'a pas fini d'être fertile. Des fois le cerveau en veut à la terre entière. Je me suis vu m'imaginer en guerre avec mes propres frères. Parfois je n'assume pas ce que je pense et ce que j'espère. Suis-je réellement quelqu'un de bon quand dans mes choix la raison se perd? Rendez-vous compte que mon esprit tolère un excès abusif de haine. Je me suis vu même fier d'avoir fait de la peine. Parfois je suis posé à regarder l'écran de mon tel. Soudainement je m'imagine me prendre la tête avec un tel. Le pire c'est que dans les normes je ne suis pas anormal. On me répondra que ce n'est qu'une mauvaise passe. Dans le bon de l'homme, il y a du mauvais. Aussi dur à accepter que ces mots vrais. Ces mots créent une certaine réflexion. Des moqueries, car dur d'assumer ces mauvaises pulsions. Je veux expulser cette pulcra qui me hante, je vais convulser. Je me demande pourquoi je tremble, je suis vexé. Autant que j'ai vexé par ce putain de grain de folie, je suis complexé. J'ai mis ma fierté de côté pour méditer. J'ai troqué mon orgueil contre des mots à débiter. J'ai croqué la partie pourrie de la pomme jusqu'en étouffée. Et par ce vertier la connerie, je me fais bouffer. Laissez-moi prendre du recul pour mieux avancer. Pour mieux y penser. Les détracteurs diront que je parle encore de mes séquelles. Mais la critique est efficace quand elle est personnelle. Sachez que je ne parlerai pas de mes problèmes si tant de personnes ne se retrouvaient pas dans mes thèmes. Je ne cherche pas à jouer la carte de l'émotion. De toute façon mon jeu est abîmé donc passons. L'esprit éteint va sous l'ortie prend de la place. Par honte mon reflet des fois j'aimerais briser la glace. Et ne plus me voir de près. Mais le pire, c'est que c'est du premier degré.